Donc, bonjour à tous, je suis Sylvie Delcourt, je travaille à la Cour nationale du droit d'asile à Montreuil. Donc, tout le monde m'entend? Oui? Non? C'est mieux? Non. Plus. L'autre? Celui-ci? Je ne sais pas, on va voir, normalement ça devrait être bon. Peu importe. Donc, voilà, c'est parfait. Donc, je vais vous rappeler rapidement quelles sont les missions de la Cour. Et puis les archives qui sont conservées à la Cour et la nécessaire révision du tableau de gestion de ces archives, qui avait été le premier tableau de gestion date de 2012. Et en 2017, donc, la Cour a décidé de réviser ce tableau. Et pour cette révision, la Cour a fait appel à Alix, qui a travaillé donc sur la méthodologie adoptée pour cette révision. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, l'asile. Alors oui, donc la première diapositive, c'est un rappel historique, en fait, de ce qu'est l'asile et quelles sont les administrations et les juridictions, en fait, qui l'accordent. Donc, en 1952, la France, qui a été signataire de la Convention de Genève, a promulgué la première loi relative au droit d'asile et a créé donc l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Donc l'Office français peut accorder l'asile. Il accorde aussi la protection subsidiaire ou il peut rejeter en fait ses demandes d'asile. Lorsque l'asile est rejeté, eh bien, le demandeur d'asile peut introduire un recours devant la juridiction, donc devant la Cour nationale du droit d'asile. La Cour est une juridiction à compétence nationale, c'est-à-dire quand effectivement les demandes, enfin les requêtes sont faites par des requérants qui habitent en métropole, mais qui habitent aussi en région parisienne ou dans les dom-tom. Alors, les décisions de la Cour peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, qui est la juridiction suprême pour cette juridiction administrative spécialisée. Outre sa fonction juridictionnelle, la Cour a aussi une mission consultative, ce qui est de moins en moins vrai aujourd'hui, finalement, puisqu'elle est invitée à formuler un avis quant au maintien ou à l'annulation des mesures d'assignation, d'expulsion ou de refoulement qui lui sont adressées par les réfugiés, donc qui avaient obtenu le statut de réfugié auparavant. Alors, l'organisation interne, on passe à l'organigramme, donc très rapidement, l'activité de la juridiction s'organise autour de 5 formations collégiales qui sont des sections et qui sont composées de chambres. À l'intérieur d'une chambre, vous avez des rapporteurs, enfin, le président de la chambre, le chef de chambre, et puis des rapporteurs et des secrétaires, les rapporteurs étant les agents qui vont instruire les dossiers. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les services de l'aide à la décision, comme le greffe central, qui a une fonction d'enregistrement et puis qui va ensuite, alimenter les services et le service central de l'enrôlement en dossier. Vous avez donc le service central de l'enrôlement qui, lui, va enrôler les dossiers aux audiences, le service des ordonnances. Vous avez un bureau d'aide juridictionnelle qui est propre à la Cour. Un centre de recherche et de documentation d'information juridique, le service de l'accueil des parties et des avocats, donc qui va effectivement accueillir les requérants et les auxiliaires de justice, l'interprétariat, qui est une fonction extrêmement importante à la Cour, puisque nous interprétons plus de 140 langues, et puis des services de soutien. Alors, en 2016, les requêtes ont augmenté de façon extrêmement importante, juste en quelques... Enfin, on peut même dire qu'elles ont doublé. En 2017, la Cour a enregistré plus de 50 000 recours. Et cette augmentation est encore... c'est encore la tendance actuelle, puisque, par exemple, au mois de juillet cette année, rien que pour le mois de juillet, la Cour a enregistré 6 000 requêtes. Donc, nous sommes toujours sur une courbe très ascendante. Nous passons au service des archives, dont vous voyez une très jolie photo à l'heure actuelle. Donc, au service des archives, ce service qui est rattaché donc au greffe central de la Cour, 2 agents travaillent. Le micro, c'est mieux? Ah oui. Donc j'ai deux agents qui travaillent au service des archives. J'ai Monsieur Coelho et Madame Hélard, qui sont qui ne sont que deux, j'allais dire, pour archiver les 50 000 ou 60 000 dossiers annuels. Monsieur Coelho et Madame Hélard sont chargés de la collecte, du traitement, de la conservation et de la communication en interne des archives de la Cour. Donc, ils s'occupent des dossiers de procédure, ils s'occupent aussi de tout ce qu'on appelle les minutiers, c'est-à-dire les dossiers dans lesquels sont conservées les minutes de la Cour, des dossiers individuels, des demandes d'aide juridictionnelle qui sont faites, et des minutes aussi, des décisions d'aide juridictionnelle. Donc, comme vous le voyez ici, aucune importance, l'ensemble représente environ 2,5 km, et nous avons 5 magasins qui sont, assez, pour certains, assez difficiles d'accès, ce qui ne rend pas les choses faciles. En 2012, nous avons un protocole, un tableau de gestion des archives a été signé par la présidente de la juridiction avec le Conseil d'État et le CIAF. Et en 2017, la Cour a décidé de réviser ce tableau de gestion en fonction justement ou parce que la production de la Cour était extrêmement importante, que l'on avait peu d'espace et qu'il fallait surtout répondre à des objectifs tels que la prise en compte des évolutions technologiques, les changements réglementaires et de procédures intervenus depuis 2012, qui prenaient en compte effectivement le nombre croissant des entrées et donc le nombre croissant des dossiers minutiers archivés, et puis aussi la dématérialisation des procédures qui est en cours au sein de la juridiction depuis maintenant 2010. Donc on avait plusieurs enjeux, le respect donc des obligations réglementaires, comme vous le voyez, la prise en compte de la valeur probante des documents, des besoins primaires et secondaires de la juridiction et des requérants, et surtout la rationalisation des espaces et des coûts de conservation physiques et électroniques. Donc nous avons organisé un groupe de travail qui a réuni les représentants de la Cour, qui a réuni le Conseil d'État et le CIAF et qui ont examiné en fait les changements proposés et qui ont regardé, défini plus exactement de nouvelles durées d'utilité administrative et les sorts finaux qui pourraient être proposés à la validation de la présidente de la Cour et au directeur du service interministériel des archives de France. Donc trois actes de travail ont été définis, le réexamen des durées d'utilité administrative. Les durées d'utilité administrative avant 2012 étaient de 7 ans, à partir de 2012, 5 ans. Donc cette durée d'utilité administrative était-elle encore valable ? Le sort final des documents et dossiers ayant perdu en intérêt informationnel, historique, scientifique ou généalogique. La Cour, on parle d'archives sérielles pour la Cour, puisqu'il s'agit toujours du même contentieux, qu'on a un contentieux énorme, c'est un contentieux de masse, et c'est vrai qu'il n'était peut-être pas nécessaire de conserver autant de dossiers que l'on a conservé auparavant. Ensuite, le réexamen des critères de sélection et d'échantillonnage des séries documentaires de masse, comme je viens de vous le dire. Et puis, il fallait compléter le tableau de gestion en y intégrant des documents et données électroniques, ce qui n'avait pas été fait en 2012. Donc, afin de mener cette révision, il a été décidé de s'appuyer sur le cadre méthodologique pour l'évaluation, la sélection et l'échantillonnage des archives, qui était publié en 2014 par la délégation interministérielle aux archives de France. Je laisse la parole à Alix qui va vous expliquer en fait comment s'est faite cette évaluation au sein de la Cour. Donc, j'étais en stage au bureau des missions du service interministériel des archives de France l'année dernière, du mois de juillet au mois de novembre. Et donc on m'a confié plus particulièrement ce travail d'évaluation les archives juridictionnelles de la Cour nationale du droit d'asile. Donc, cela s'est déroulé en... J'ai suivi le cadre méthodologique et les étapes préconisées par le cadre méthodologique en utilisant les modèles de grille d'évaluation ainsi que les outils proposés par le cadre pour établir et documenter les choix de sélection et d'échantillonnage. Donc, j'ai suivi l'approche producteur plutôt que l'approche fonction, tout simplement parce que la fonction, la gestion des recours au droit d'asile a été exercée par la CNDA et par son prédécesseur, la commission de recours des réfugiés depuis 1952. Donc, et puis l'appel est géré par le Conseil d'État en cassation. Donc, une fonction exercée par un petit nombre d'acteurs, et donc la CNDA. Une approche donc par producteur, alors avec tout premier lieu l'analyse de l'environnement institutionnel de la CNDA, l'analyse de ses missions, et enfin l'analyse des ensembles documentaires produits par la Cour. Donc, les différentes étapes de l'évaluation, bien, c'est tout d'abord commencer par le recueil d'informations sur le fonctionnement de la Cour, qui est impliqué d'assister aux audiences, de rencontrer les différents représentants des métiers intervenant dans la chaîne de production documentaire de la CNDA, d'examiner la composition des dossiers, et bien sûr de travailler avec le service des archives et de me rendre mieux compte de l'organisation des archives au sein de la Cour. Alors, l'utilisation des modèles de grille d'évaluation des producteurs, d'évaluation des fonctions et des ensembles documentaires proposés par le cadre méthodologique a permis de prendre en compte le contexte de production et d'exploitation des dossiers, ainsi que les risques encourus de l'amont à l'aval de la chaîne archivistique. Outre les agents de la CNDA, j'ai également rencontré la mission Histoire et Archives de l'OFPRA, donc l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Et j'ai également contacté, en aval de la chaîne, les archives nationales pour me rendre compte des consultations qui étaient faites des dossiers versés aux archives nationales. Donc, dans le cadre du stage, j'ai utilisé les grilles d'évaluation du cadre de 2014 telles quelles, sans chercher à les simplifier, mais sans chercher non plus à renseigner absolument l'ensemble des champs pour les typologies documentaires dont la durée d'utilité administrative ou le sort final ne présentait pas d'enjeu décisionnel particulier. L'objectif premier était que ces grilles puissent servir à court terme d'outils d'aide à la décision au groupe de travail chargé de la révision du tableau de gestion de la CNDA et à plus long terme d'outils de suivi pouvant être mis à jour régulièrement par le service d'archives de la CNDA et les responsables du contrôle scientifique et technique du CIAF. Pour le groupe de travail, j'ai complété les grilles d'évaluation des typologies documentaires en établissant des listes récapitulatives, des questions et arguments contradictoires que pouvaient soulever les différents choix de sélection en 2017. Alors, un premier constat concernant les ensembles documentaires de la CNDA, peu de typologies documentaires différentes, mais une production de masse, bien sûr, comme le soulignait Sylvie. Production de masse en constante augmentation et dont la conservation sur place est un enjeu en termes d'espace et de coût, puisque les locaux de la CNDA sont à Montreuil. Une grande homogénéité dans la composition des dossiers, mais une évolution de leur composition et à diverses échelles, une perte de leur intérêt informationnel et historique et généalogique liée aux réformes du droit d'asile et à l'adaptation des procédures au nombre de demandes à juger. Des dossiers sériels, mais sensibles, puisque les dossiers de procédure contentieuse comportent le recueil des récits de vie de personnes qui ont le plus souvent abandonné tous leurs biens dans le pays qu'ils ont quitté. Donc des dossiers qui sont source de droits pour ces personnes, mais aussi source généalogique, source d'histoire pour les familles, sachant que, par ailleurs, l'OFPRA conserve des dossiers qui sont plus complets en la matière. Donc, bien sûr, dans le cadre de mon évaluation, j'ai mené une étude plus avancée sur le cas des dossiers de procédure contentieuse. qui en 2017 représentait plus de 40 000 dossiers jugés par la CNDA. Donc la durée d'utilité administrative n'a pas été remise en cause. On a fait une étude pour voir les demandes, estimer si les 5 années à compter de la lecture de la décision de la CNDA correspondaient aux besoins de la Cour. Donc ça n'a pas été remis en cause. Le tableau de gestion de 2012, que vous devez assez mal voir, lui prévoyait à l'issue de la DUA un tri avant versement aux archives nationales, donc un tri selon 6 critères, à la fois systématique et qualitatif. Alors depuis 2012, certains de ces critères ont été remis en cause par le cadre méthodologique de 2014, notamment l'échantillonnage systématique de certaines années, ce qui était donc le premier critère de sélection. Le premier critère de sélection était les dossiers des années se terminant en zéro. La note de 2016 relative au traitement des archives produites et reçues par les juridictions administratives de droit commun a repris les préconisations du cadre méthodologique et donc préconise de réaliser un échantillonnage systématique en définissant l'effectif de départ, puis en évaluant le degré d'homogénéité de cet effectif. On a vu que pour la CNDA, les dossiers sont très homogènes. En déterminant la taille de l'échantillon que l'on souhaite prélever et en définissant un mode de prélèvement des dossiers. Alors la question de l'échantillonnage et de sa représentativité par rapport à l'effectif de départ a fait l'objet de nombreux échanges, notamment avec Ignacio Coelho. J'ai donc testé 7 propositions différentes en prenant en compte comme effectif de départ soit la production globale de dossiers de procédure contentieuse pour une année, soit l'ensemble des dossiers dont la décision de l'OFPRA a été annulée. Donc là, vous voyez aussi très mal les différentes hypothèses que j'ai pu étudier, mais ça a été assez probant puisque on a réussi à discuter avec les collègues à partir de ces hypothèses. Le groupe de travail les a étudiés et a retenu la deuxième hypothèse, soit un échantillonnage systématique, à savoir pour un effectif, enfin pour, alors, pardon, un échantillonnage systématique qui prévoit pour un effectif global annuel de plus de 9001 dossiers, donc ça c'est le cas de la CNDA, le prélèvement de 300 dossiers en appliquant un taux de prélèvement calculé de la manière suivante, donc l'effectif total divisé par 300, donc ça nous donnait notre taux de prélèvement. Et puis à ce critère d'échantillonnage systématique s'est ajouté un critère d'échantillonnage qualitatif, celui recommandé par la note de 2016. Conservation des dossiers jugés en section réunie et en grande formation, dossiers présentant un intérêt juridique particulier et les dossiers présentant un intérêt médiatique, sociologique ou historique. Alors, quand on fait le test pour l'année 2016, la prévision d'un versement aux archives nationales en 2022 est de 380 dossiers représentant 4 mètres linéaires sur un effectif de départ de 39 986 dossiers. Alors, le tableau de gestion a également été mis à jour pour prendre en compte les typologies documentaires disparues et apparues depuis 2012 à la suite des réformes du CESEDA, mais aussi de la dématérialisation des procédures et des documents. Donc, le rapport remis au groupe de travail comprenait également un état des lieux de la dématérialisation des procédures et des documents à la CNDA en date de août 2017, parce que les choses évoluent très vite. Pendant les 2 mois que j'ai passé à la CNDA, les choses ne cessaient d'évoluer, donc c'était un peu la limite de cet exercice. Il faut savoir, donc Sylvie vous le disait tout à l'heure, depuis 2011, les dossiers de procédures contentieuses sont hybrides. Une partie des pièces est conservée uniquement sous forme dématérialisée, une autre partie uniquement sous forme papier. Et pour d'autres pièces, il y a des redondances entre les supports papier et électroniques. Donc la conclusion pour la révision de ce tableau de gestion était que les versements aux archives nationales devraient prendre en compte en fait le besoin de verser à la fois les dossiers électroniques et papier pour les dossiers postérieurs à 2011. Alors, on n'est toutefois pas allé plus loin dans le cadre de cette étude, puisqu'il y a un travail en cours au Conseil d'État qui est chargé de mener la réflexion sur l'archivage des données électroniques des juridictions administratives. Et donc la CNDA reste en attente de la feuille de route du Conseil d'État. Donc, l'ensemble des documents produits dans le cadre de ces différentes étapes de l'évaluation, de l'évaluation des archives de la CNDA, a fait l'objet d'un rapport remis aux membres du groupe de travail représentant la CNDA et le Conseil d'État et le CIAF. Ce groupe de travail s'est réuni en novembre 2007 pour débattre des propositions d'amendement au tableau de gestion. Donc, le rapport leur a permis de disposer des éléments contextuels, juridiques, historiques, financiers, ainsi que des éléments relatifs aux enjeux d'intérêt public et de conservation pour mesurer les risques et prendre des décisions plus informées possibles quant aux durées de conservation et aux sorts finaux des archives produites par la CNDA. Les choix finaux effectués ont été pris en compte dans le tableau de gestion et ont fait l'objet aussi d'un compte-rendu qui sera avec donc des informations qui seront destinées à venir alimenter les fiches d'évaluation des typologies documentaires qui ont été réalisées au cours de ce travail. Voilà, donc la signature du tableau de gestion est en cours. Elle devrait arriver très prochainement et par contre, la Cour a appliqué très rapidement tout ce qui concernait justement la destruction des archives pour pouvoir, pour améliorer en fait la place qu'elle n'a pas. Donc voilà, donc nous attendons la validation finale de ce tableau de gestion. Voilà, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés.